La première station de radio pour laquelle je travaillais perdait de l'argent. On était un syndicat. Puis ils devaient couper deux employés. Devinez c'était qui les deux? Les deux premiers arrivés, c'était moi. C'est une de mes premières réunions de syndicat. Tu sais, les gens qui disent « je suis anti-syndicat », c'est pas vrai. Je suis anti-certains syndicats, je suis anti-beaucoup de syndicats. Mais je suis pas anti-syndicat qu'un grand S. Parce que le syndicat dans lequel j'étais au début, c'est grâce à lui que je travaille. Sais-tu ce que les journalistes ont fait? Toute la gang. Ils étaient sept. Ils ont tous renoncé à leur prime de kilométrage. Il y avait tous, dans leur convention collective, un montant d'argent par mois pour payer leur kilométrage. Puis ça leur était dû, là. Les journalistes, là, ça circule en voiture. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas à peu près. C'est grave, c'est loin. Ils ont voté eux-mêmes. Tous renoncer à cette prime-là pour garder les deux autres jobs. Et ça, c'est de la vraie solidarité. Ouais. Ça, c'est de la solidarité. Ils ont rouvert le contrat. Et ça, c'est rare, ça. Ils ont rouvert le contrat. Ils ont renoncé à des avantages qu'il y avait. Pour que moi puis l'autre, je me souviens encore de l'autre, elle travaille aussi encore. Regarde, les deux, on a eu des papiers carrières pour garder ces deux jobs-là. Pis c'est une de ces jobs-là que j'ai eu, ma première job à vie. Par contre, à la station où j'étais, ça s'appelait CJMT 142. C'est aujourd'hui, c'est plus là, là. Mais à l'époque, il y a aucun boss qui a insulté le syndicat, par exemple. Notre boss de l'époque, au contraire. A été, tu sais, il est pas arrivé en disant, vous êtes une petite gang de... C'est quoi mon autre, tu vas rire, là, mais c'est à l'inverse de toi complètement. J'ai failli être syndiquée dans ma vie. Ouais. Quand je suis arrivée en janvier 1997 à Québec, je travaillais pour Choix FM. Ma première rencontre que j'ai eue, parce que c'était sous tutelle, les patrons nous ont parlé, puis ils ont dit, là, si vous voulez qu'on relance le Choix FM, là, faut débarquer le syndicat. Fait que les employés ont tous voté pour enlever le syndicat. Tu sais, il y a des fois qu'il faut que tu... Non, je sais, ça peut être bon. Des fois, ça marche plus. Des fois, ça... Il faut être capable de se parler et penser aux intérêts supérieurs de l'ensemble, de la gang. C'est ça que ma gang de collègues au début à CGMT ont fait. Ils ont pensé équipe, team, pas juste eux autres et leur portefeuille. Comme je pense que les syndiqués à Ville de Québec doivent faire. Par contre, si on leur demande ces concessions-là, c'est pas le temps de le traiter des noms.